An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Existe-t-il un rire à la française ? Le 10 novembre 1894 paraît le premier numéro de l'hebdomadaire Le Rire. Quel titre ! Le journal justifie son choix. Le Rire a pensé que son titre était le meilleur des programmes et il remplacera les promesses habituelles qu'il tiendra sans avoir besoin de les faire. Le journal lance aussi un appel à contribution avec les deux thèmes favoris des humoristes. L'administration, c'est écrit comme ça de manière détachée, cette source inépuisable de gaieté et notre belle-mère à tous. Administration et belle-mère seraient-elles les deux mamelles de l'humour français ? Alain Vaillant, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature française à l'Université Paris-Nanterre. Vous arrivez avec cet ouvrage publié par les éditions du CNRS, L'Empire du Rire, 19e, 21e siècle, un ouvrage que vous dirigez avec Mathieu Letourneux. Dites-nous, Alain Vaillant, si je vous dis, de manière un petit peu triviale, comment vas-tu, Yotpoil ? Que me répondez-vous ? Et toi, la matelas ? L'humour, le rire est quelque chose qui peut être spécifiquement français. En tout cas, cela fait partie de notre identité. Je vous dis un mot, vous y répondez de manière automatique. Le rire est un phénomène social. Oui, alors le rire auquel vous faites allusion, qui est le rire Troisième République, c'est le moment où, comme d'ailleurs pour l'hebdomadaire Le Rire, on rit pour rire, pour le plaisir de la connivence populaire, pour le plaisir de se sentir ensemble, comme on le verra avec Fernandel ou Bourville, etc. Il y a avant ce rire-là, un rire satirique, un rire de contestation ou d'agression par l'ironie, qui est une autre modalité du rire français, et peut-être celle qui est d'ailleurs la plus connue et reconnue à l'étranger, ce goût du sarcasme. Et de la moquerie. Oui, l'ironie, le goût du sarcasme. Mais dans ce calembour classique, comment vas-tu, Yotpoil, étoile à matelas ? Eh bien, il y a aussi quelque chose de daté. La question qui se pose sans cesse est-ce que le rire de nos ancêtres nous fait rire aujourd'hui ? Le rire nécessite d'être contextualisé, toujours. Toujours. Alors, cet exemple-là joue sur la décomposition du langage. C'est le calembour sur le langage, qui est tout de même une des formes les plus simples et les plus primitives, à condition de partager la même langue, bien sûr. C'est le principe des mots tordus des enfants. C'est le cacaboudin des petits-enfants. Et je pense que c'est une des formes les plus universelles, c'est-à-dire le rire à partir du mode de communication. Alors, ça peut être les gestes, ça peut être le langage. Mais je pense que dans toutes les langues, on a cette forme de jeu de contestation de la langue elle-même. Eh bien justement, Alain Vaillant, pour commencer cette émission sur le rire, j'aimerais bien que vous portiez votre regard de manière à décrypter un extrait, une scène de film culte. Ce film est ridicule. Baron, comment avez-vous trouvé les Anglais ? Très distrayant. Ils ont là-bas une forme de conversation qu'ils appellent humour et qui fait beaucoup rire. Enfin, ce qu'ils appellent rien. Humour ? C'est une forme d'esprit ? Non, pas vraiment. Non. Et comment le traduisez-vous ? On ne peut le comparer à rien. Ah, c'est le mystère, vous nous faites brûler de curiosité. Mais enfin, un art de conversation qui fait rire, il faut bien que cela soit une sorte d'esprit. Non, ce n'est pas esprit le mot juste. Il nous manque un terme à nous, Français. Donnez-nous un exemple, ça ira plus vite. Eh bien, je demandais à Lord Twickenham combien il avait de maîtresses. Et il me répondit, impossible. À partir de combien peut-on dire plusieurs ? C'est ça. Enfin, pour l'instant, c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit. Vous voulez dire à la bouche ? Et ben voilà, le film ridicule de Patrice Lecomte en 1996 avec les sublimes Jean Rochefort, Charles Berling, Alain Vaillant. Dans ce film, il y a l'évocation de rire à connotation nationale. Il y a un rire français, il y a un humour anglais. Est-ce que cette analyse est pertinente ? Oui, elle est pertinente et je dis en passant que le film ridicule est un film excellent vraiment sur le rire. C'est en effet au XVIIIe siècle que se constituent deux grands modèles européens du rire, l'ironie à la française et l'humour anglais. Alors la grande différence, c'est que l'ironie à la française, d'une part, est un code aristocratique, on manifeste sa spiritualité, mais aussi il faut bien comprendre que le rire français est un rire né dans une monarchie de droit divin, c'est-à-dire dans un type de régime où il n'y a pas de liberté d'expression, et le rire est un moyen indirect d'agresser, de s'en prendre à l'autre, de critiquer la religion, de viser une cible. Et cette tradition d'un rire satirique, d'un rire d'attaque, je crois, est la quintessence du rire français, alors que l'Angleterre du XVIIIe siècle, eh bien, c'est un régime parlementaire, c'est pas une démocratie, mais c'est un régime libéral. Et donc, s'en prendre à la société, c'est s'en prendre à soi-même, puisqu'on choisit son destin. Et la grande différence entre l'humour et l'ironie, c'est que l'humour, bon, j'ai l'habitude de dire, c'est l'ironie en régime démocratique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, à la fin du XIXe siècle, on voit arriver l'humour en France, alors que l'humour était jusque-là un mot anglais, parce que sous la Troisième République, aussi, on est dans un régime démocratique. Donc, il y a vraiment deux grandes traditions. L'humour anglais qu'on va retrouver aux États-Unis, j'ai l'habitude de dire, pour simplifier, lorsque deux Français se rencontrent, ils se moquent mutuellement l'un de l'autre. Lorsque deux Américains se rencontrent, chacun se moque de soi-même, ce qui est tout de même plus sympathique. Ce qui est très différent d'ailleurs. Laurent Bihl, vous êtes avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire et communication de visuel à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous avez collaboré vous aussi à cet ouvrage, hein, L'Empire du Rire, 19e, 21e siècle. Et justement, dans cette explication, simplement le vocabulaire hein, à définir, le fait que l'humour apparaisse en France, le mot humour à la fin du 19e siècle, rompt un peu les codes. Le vocabulaire utilisé pour définir le rire montre aussi son évolution, la satire, l'humour. Oui, sa complexité. Il y aurait beaucoup à dire sur la définition d'une caricature, sur la définition d'un mode d'humour, sur la définition de différents types de caricatures. Et les caricaturistes eux-mêmes, à l'époque, à la fin du XIXe siècle, ne voulaient pas qu'on les appelle des caricaturistes. Alors, ils voulaient qu'on les appelle les humoristes. Bon, ça a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Vous avez commencé sur le rire en 1894. C'est le titre français qui va durer le plus longtemps. Et je pense que s'il a duré aussi longtemps, ce titre satirique, ce journal Le Rire, c'est parce qu'il faisait coexister plusieurs types de rire, plusieurs types d'humour, à la fois le rire satirique du combat républicain dont a parlé Alain Vaillant, et en même temps cet humour plus vaudevillesque, plus bourgeois, cet humour de calembour, cet humour plus visuel, mais aussi un humour littéraire, puisqu'il y avait des petites nouvelles dedans. C'est-à-dire que je dirais un large public, un spectre large, en trouvait pour son argent. Et cette cohabitation des rires est très complexe, tant les rires ont tendance parfois à mal cohabiter entre eux. Et justement, dans cette cohabitation du rire, à l'évocation de ce journal Le Rire, nous avons tout à fait ça. Sur ce premier numéro que j'évoquais en novembre 1894, il y a de l'humour bourgeois d'une jeune femme qui dit à sa mère « Je rentrerai peut-être pas ce soir, nous sommes samedi soir, et manger le gigot demain ». Nous comprenons qu'elle va rentrer très tard. Mais à côté de ça, il y a Zola et la politique dans le même numéro. Dans ce jeu d'humour, de satire, de politique, quelle place occupe la Révolution française, Alain Vaillant ? La Révolution française a été socialement la possibilité d'égaliser les rires. Il n'y avait pas le rire aristocratique et le rire du peuple, mais un rire populaire et un rire aussi qui a été intégré immédiatement au combat politique. Alors ça a d'abord été d'ailleurs le rire royaliste, avec des journaux satiriques comme les Actes des Apôtres, mais cette idée d'une répartition par caste, en quelque sorte, du rire, s'est effondrée avec la Révolution, mais aussi le rire est passé du côté du combat politique. Et ça, c'est une des singularités du rire au XIXe siècle, avant la Troisième République. C'est que d'un côté, on est dans un processus de démocratisation et de découverte des fonctionnements politiques parlementaires, mais en même temps, avec des régimes qui sont toujours répressifs, qui exercent la censure. Et donc, il y a en France, au XIXe siècle, une sorte d'héroïsation du rire comme instrument de combat, que l'on voit aussi aujourd'hui dans la manière dont on parle de Charlie Hebdo, qui est aussi une particularité française. C'est-à-dire que le rire est devenu une sorte d'outil légitime dans le débat politique. Alors que le rire suppose aussi l'agression, l'attaque, la méchanceté. Et donc c'est aussi une dimension particulière que parfois d'ailleurs aux États-Unis on a du mal à comprendre. C'est-à-dire l'agression comique comme un outil légitime du combat pour la liberté. Et ce rire politique qui est évident sous la Révolution française existe auparavant. Mais vous nous avez dit, Alain Vaillant, qu'il y a cette connotation sociale du rire. Un rire que l'on a qualifié d'aristocrate, c'est ce rire de l'ironie extrêmement fin. Il y a un rire populaire. Comment l'historien peut identifier ce rire populaire ? Ils ont des lieux d'expansion différents, bien sûr. Le rire populaire est un rire de la place publique, est un rire paysan aussi, des veillées paysannes. Alors, il y a tout de même un endroit où ces deux rires se mêlent, c'est le cabaret et les lieux festifs. Et aujourd'hui encore, le point de jonction, c'est la fête. Et il ne faut jamais oublier, parce que lorsqu'on parle du rire, on a toujours tendance à réfléchir à la signification du rire. Mais il faut se rappeler que le rire est un plaisir. Il y a une jouissance corporelle du rire. Alors l'aristocrate n'a pas le droit de rire comme le peuple. La femme n'a pas le droit de montrer ses dents, par exemple. C'est pourquoi la femme sourit et ne rit pas. Donc il y a aussi le problème de l'inscription du rire dans les corps, qui n'est pas la même dans un salon aristocratique du XVIIIe siècle ou dans une place publique, sauf dans les cabarets, où les aristocrates vont boire beaucoup et s'amuser avec le peuple et en riant franchement comme fait le peuple. Et dès lors, la Révolution française est ce moment de démocratisation du rire, la Révolution qui, elle-même, est un objet de rire. Période vachement troublée. Il y eut l'an 1, puis l'an 2, et puis l'Empire. Bien. Allez, en scène tout de suite, les enfants. Scène pour la Révolution. Allons-y, Louis XVI. En scène. Louis XVI. Mohamed. Si vous faites là. Mohamed, mais tu étais où là encore? Allez, c'est pas grave, allons-y. Le peuple, ritons. On veut du pain. Allons-y. On veut du pain. On veut du pain. Voilà, ritons. Ritons, je t'en supplie, quand tu interprètes le peuple à cette époque, il n'a pas de travail. Oui. C'est pour ça qu'il a fait la révolution. Ah, c'est ça qui a tout changé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a la NPE, alors. Non, ritons, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en démocratie, surtout. C'est quoi la démocratie, monsieur? Il faut les enfants. La démocratie, on est dedans. À mort, Louis Croivet-Bâton. À mort, Louis Croivet-Bâton par les inconnus, c'est la Révolution. Ben, c'était en 1989, pour le bicentenaire. Laurent Bille, justement, dans ce rire contestataire sous la Révolution française, nous avons ici un exutoire complet, une manière de prendre la parole et de s'amuser et de critiquer dans le même temps. Oui, alors, je pense que le rire pendant la Révolution française est compliqué à comprendre parce que, pour les archives qu'on en a, c'est surtout un rire parisien. Et on a souvent tendance à confondre Paris et l'ensemble du pays. Et à Paris, pour ce qu'on en connaît, c'est un rire du Palais Royal. Et on a parfois tendance à confondre le Palais Royal avec le reste de Paris. C'est très compliqué. Et dans l'extrait que vous montrez, c'est moins un rire de la Révolution qu'un rire aux dépens de la Révolution. En fait, au XIXe siècle, on ne rit pas de la Révolution. On la cultive, on en cultive éventuellement l'énergie satirique, mais on ne rit pas d'elle. Et ce sont surtout les contre-révolutionnaires qui rient de la Révolution. D'ailleurs, si vous interrogez le cinéma qui rit de la Révolution, c'est très rarement un rire bienveillant. Et les films, les rares films qui parlent de la Révolution, regardez le Napoléon d'Abel Gance, c'est pas du tout des comédies. Du tout. Donc, c'est vraiment très compliqué, cette histoire. Mais je voudrais revenir à ce qu'Alain Vaillant a dit sur l'importance du bistrot. Le bistrot, c'est, et on l'oublie trop souvent, le lieu où on lit beaucoup les journaux satiriques. Et donc, évidemment, à la fois la rue où on voit les couvertures, qui est une rue passante, qui est une rue non loin d'un bistrot. Et les bistrots où on lit les journaux qui sont distribués, où on les lit en terrasse, donc il y a une exposition sauvage de l'image qui est liée forcément au rire en commun. Et donc la question qui se pose, c'est par rapport à ce rire consensuel et à ce rire méchant, quelle est la dimension du rire, quelle est la part du rire qui réunit et quelle est la part du rire qui disjoint et qui clive. C'est toute la complexité de la chose, bien sûr. Et il ne faut pas non plus confondre rire politique et rire politisé. Rire politisé, on rit de l'autre, on rit du camp d'en face, alors que le rire politique, je dirais que dès qu'on rit de la politique, ça fait rire. Il y a d'ailleurs un rire antiparlementaire qui est un rire politique. Donc vous voyez, tout ça, en fait, s'entrecroise, s'entremêle, et fait que c'est très compliqué. Eh bien justement, c'est un peu ce que l'on ressent dans cet ouvrage « L'Empire du Rire, 19e-21e siècle hein, » que vous dirigez Alain Vaillant avec Mathieu Letourneux. Cet ouvrage, vous mettez tout de suite les mises en garde parce que le rire est un objet extrêmement complexe par son histoire même, par l'étude dont il a bénéficié et puis par la manière de l'appréhender. Les supports sont divers, les objectifs sont divers, mais il y a toujours cette notion de « ensemble », rire tous ensemble ou rire contre certains. C'est un kaléidoscope, cet ouvrage sur le rire. Oui, c'est la complexité du rire et on voulait garder le terme de rire parce que la jouissance anthropologique du rire, elle est unique assurément, mais elle prend des modalités très différentes. Et aussi, bon, c'est une formule que j'emploie souvent, que le rire est la principale industrie culturelle. Si on réunit le théâtre, les médias, le cinéma, les journaux, etc., c'est une activité culturelle protéiforme absolument gigantesque. Quant à la question de la signification idéologique du rire, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que le rire, encore une fois, c'est la contestation contre le pouvoir, mais le plus souvent, on le voit sous la Révolution, mais on le voit beaucoup à d'autres époques aussi, le rire est très souvent un rire, je dirais, conservateur ou réactionnaire qui s'en prend aux idéalistes, aux idées émergentes. Et donc la qualification idéologique du rire, il faut absorber, regarder ça aussi avec beaucoup de prudence. Oui, parce que il y a le rire comme objet, il y a le rire qui porte sur un objet. Et le rire comme contestation, comme élément de prise de parole et comme exutoire, nous le retrouvons notamment quand il devient anticlérical. Et là encore, c'est une évocation qui nous ramène à la Révolution. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Marat fut un soyeux, nom de Dieu, à qui lui porte haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu. Je veux parler sans gêne. Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille, nom de Dieu. Et je couche sur la paille. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Au vicaire le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller à confesse sans Dieu. Se faire plotter les fesses, nom de Dieu. Se faire plotter les fesses, nom de Dieu. Jacques Marchais qui chante Le Père Duchesne. Alors, chanson formidable, chanson anarchiste de 1892 qui évoque l'année 1792. 100 ans plus tôt, c'est une chanson qui a été chantée par Ravachol, l'anarchiste, quand il monte à la guillotine dans la prison de Montbrisson. Et c'est une chanson qui est interrompue par le couperet. Dites-nous, Laurent Bille, justement, dans ces genres de rires possibles, il est possible d'identifier ce rire anarchiste. Il y a différentes voix comme ça qui se construisent et qui ont chacune une histoire. Oui, alors, il y a un rire anarchiste. Les anarchistes ne sont pas forcément les gens les plus joyeux du monde. D'ailleurs, ça dépend. Hein. Il y a des anarchistes très joyeux et des anarchistes qui sont beaucoup plus sérieux. Je ne suis pas persuadé que Ravachol... ou Gus Vaillant, ceux qui pratiquaient la violence par le fait, je ne suis pas du tout persuadé que ce soit les plus comiques, que ce soit les gens qui avaient le plus d'humour, et je ne suis pas persuadé que la façon dont Ravachol ait chanté cette chanson en montant à l'échafaud soit une façon très comique et qu'il y mettait tant d'humour que ça à quelques instants du coup près. En revanche, le rapport entre rire et chanson est absolument fondamental, et je renvoie à la thèse et au magnifique bouquin de Philippe Dariula sur la chanson au XIXe siècle pour le constater, bien sûr. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et je dirais que dans cet esprit français du rire, dans cette tradition, alors anarchique, le terme, encore une fois, me pose un peu problème. Émile Pouget, le grand anarchiste, hein, qui avait fait un bouquin, qui avait fait un journal, qui s'appelait, bon, qui était vraiment le père Peinard, était vraiment, lui, utilisait l'humour, justement, comme une arme politique. Et je pense que cette utilisation de l'humour comme une arme subversive, elle date aussi beaucoup de la bohème et de la construction d'une gaieté de la marginalité bohème du 19e siècle, reliée à la fois aux avant-gardes artistiques et au contexte révolutionnaire. C'est à la fois la bohème de Murgère au Quartier Latin, le rire estudiantin, la bohème montmartroise, et tout ça est très fort au 19e siècle, et je pense que ça fait vraiment appel à un impensé français d'une révolte par le rire. Et j'en veux pour preuve ce que disait il y a 2 ans Gérard Noiriel, hein, aux premières manifestations de Gilets jaunes qui commencent à tourner à la violence. On lui demande comment éviter que cela dégénère, hein, dans l'IB, et il dit, Noiriel, le mouvement pourrait prendre une autre tournure s'il était soutenu par des gens capables de proposer d'autres formes de spectacle que de violence. Je pense par exemple aux artistes qui pourraient se solidariser en renouant avec des formes anciennes de contestation populaire qu'on appelait bien avant les mouvements ouvriers les charivaris. L'humour permettait de contester le pouvoir en mobilisant le rire carnavalesque. Aujourd'hui, il faut faire le spectacle pour exister dans l'espace public. Et donc, une question qui se pose, qui est extrêmement intéressante, c'est tout au long du XXe siècle, il y a une part de gaieté dans les manifestations qui est en chute libre aujourd'hui. Et quel est le sous-texte? Qu'est-ce qui peut expliquer la part de gaieté qui est en chute libre dans les manifestations aujourd'hui, dans l'espace public, dans les manifestations politiques? Comment expliquer que les mobilisations politiques aient perdu de plus en plus cette part d'humour les caractérisait et que nous avons, nous un tout petit peu anciens, tous vécu jusqu'à la fin des années 80? Oui, parce qu'il y a une chronologie de l'utilisation du rire comme arme politique. Et merci Laurent Bille, hein, d'avoir évoqué ce rapport entre rire et chanson sur France Culture ce matin, car le rire qui nous intéresse aujourd'hui est un rire politique. Est-ce cela pour la France ou pour tous les pays? La question que nous nous posons, c'est existe-t-il un rire spécifiquement français? Alain Vaillant, cette utilisation du rire politique est quelque chose que nous allons retrouver dès qu'il y a liberté d'expression. Liberté d'expression est contrainte dans une certaine mesure. Si on pouvait vraiment s'exprimer librement, on parlerait sérieusement. Le rire est toujours une sorte d'agression détournée vers le rire. C'est pourquoi, en effet, les anarchistes qui posent des bombes n'ont pas le temps de rire. Mais en même temps, il faut sentir une sorte de frustration, de contrainte, pour que le rire soit une manière de le manifester. Et je pense que, justement, ce qui caractérise la société française, c'est cet équilibre entre un fait démocratique, un principe démocratique, mais tout de même le sentiment ou le souvenir d'une contrainte. Le rire renaît, par exemple, à l'époque de d'Arakiri ou de Charlie Hebdo, parce que nous sommes sous la Ve République et parce que ce régime mis en place par le général de Gaulle au moment de la guerre d'Algérie est considéré comme un régime relativement répressif. Et donc c'est un jeu subtil et complexe dont les manifestations sont différentes selon les pays, en effet, selon, encore une fois, cet équilibre-là. Si on est dans une dictature absolue, on ne peut pas rire. Mais enfin, vous voyez par exemple comment le rire a été utilisé dans l'Union soviétique qui allait vers sa fin, où il y a toute une tradition satirique, assez proche d'ailleurs de la tradition française, où on a aussi ce mélange ambigu entre une parole libre qui essaie de se dire et qui se manifeste en rire lorsqu'elle se frotte à un pouvoir qui est répressif, mais plus assez répressif. Pour qu'il y ait rire en politique, il faut qu'il y ait un tout petit peu de répression, en tout cas il faut qu'il y ait un peu de contrainte, Alain Vaillant. Un peu de contrainte et aussi suffisamment, j'allais dire, d'agressivité, de confrontation dans l'air, on le voit au moment de l'affaire Dreyfus, mais pas trop là encore. C'est un jeu entre, comme vous le disiez tout à l'heure, le plaisir d'être ensemble, ce qui suppose un minimum de sentiment de paix collective, et en même temps de la confrontation. Bien justement, dans ce plaisir d'être ensemble, il y a tous ces éléments du rire qui forment notre patrimoine, qu'il n'est pas besoin de développer juste comme ça, parsemé. C'est ce que nous offre Esther Valentich, qui réalise aujourd'hui l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture avec à la technique Sylvain Latu. Oui, juste une visite de ces grands moments de l'humour français. Vous voulez bien que je vous raconte une histoire drôle, hein? Hein? Bon. Oui, parce que vous savez, elle est vraiment drôle, vous savez, vraiment. des histoires, mon mec. Vous la connaissez, non? Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Depuis que je sais que je vais vous raconter cette histoire drôle, je ris. Oui, non, enfin, je vois très bien ce que vous pensez, n'est-ce pas? Vous trouvez que je n'ai pas d'humour, que je ne sais pas raconter les histoires? Ah non, pas du tout, parce que vous racontez très bien. Franchement, vous m'avez dépassé cette soirée au Dandies avec brio. Avec qui? Non, avec personne, avec brio, c'est une expression qu'on emploie, si vous voulez. Vous voyez, là, c'est l'exemple frappant, quoi. J'ai voulu faire de l'humour, ben, c'est tombé complètement à plat. Ah! Oh, mon Dieu! Oh là là! Ça tient tout seul, hein? Avec brio! Ah, oui, c'est très bon, c'est très bon. Non, c'est trop tard. Je veux plus me retenir. Bon, on dit ces bêtises quelquefois. Oui. L'humour français à travers ces grands moments du cinéma. Esther Valentich sur France Culture. Qui a croisé Bourville, Le Père Noël est une ordure, Le Dîner de cons. Alain Vaillant, dans tous ces clins d'œil humoristiques, toujours à la recherche d'un rire à la française, il y a ce mot qui apparaît, celui de gauloiserie. Ah, le Gaulois, bah oui, nos ancêtres, les Gaulois, etc. Comment se construit cette idée de la gauloiserie française? On construit à partir de la fin du XVIIIe siècle l'idée que les véritables racines populaires des Français, ce sont les Gaulois. Donc parler d'arrière gaulois, bon, on voit aussi que ça joue un peu sur la grivoiserie, etc. Mais c'est surtout enraciner le rire dans une certaine image que l'on se fait d'une tradition populaire. Et je pense que c'est le plus important. Vous avez nous avez fait entendre à trois reprises Bourville, et Bourville est bien quelqu'un qui représente, je parlerai pas d'humour pour lui d'ailleurs, c'est du rire partagé, et qui sent bon, j'allais dire, la campagne française. Laurent Bill a dit quelque chose d'essentiel, c'est que au XIXe siècle, le rire c'est Paris. Le Parisien est spirituel, le provincial est ennuyeux et triste, c'est ce qu'on voit chez Balzac, et c'est encore un cliché qui va durer d'ailleurs assez longtemps. Et c'est ce qui arrive au XXe siècle, à partir de la Troisième République, c'est un rire du peuple, un rire des régions, des provinces. Alors le premier rire qui émerge, c'est le rire marseillais, c'est la première fois qu'une grande ville crée une sorte de culture du rire qui est différente du rire parisien. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel. De même que Bourville, Fernand Reynaud, ce sont des rires qui viennent des campagnes et qui fleurent bon la campagne. Avec ce jeu qui nous intéresse, de voir comment le rire reflète une identité. Laurent Bill, dans cette identité, nous avons déjà évoqué le rire populaire et le rire aristocrate. Il y a désormais ce rire parisien et ce rire qui vient des régions. Dans cette construction-là, il y a la volonté de pousser de manière très nette un rire pour renforcer sa propre identité. Mais ça, c'est l'histoire du 19e siècle aussi, la construction des identités. Oui, maintenant, il y aurait une part de manipulation, éventuellement. J'ai du mal à comprendre en quoi ça pourrait être un phénomène pensé à l'époque. Pensez si ce n'est que, et je reviens au journal Le Rire, en 1894, se donnait, si vous poursuivez le texte que vous avez cité en ouverture de cette émission, deux missions, d'une part faire rire, et d'autre part constituer la chronique de son temps. Parce que, pour ces tenants d'une contre-histoire ou d'une histoire, d'une chronique plus que d'une histoire, qu'étaient les promoteurs du rire, il fallait justement étudier le rire ou les rires au quotidien pour comprendre, l'inconscient collectif d'une société en cours de construction et d'une société qui commençait aussi à affronter la culture de masse, qui n'est pas forcément non plus la culture populaire. Bon, voyez que tout ça est très complexe, encore une fois. Et vous parlez d'un décentrage entre Paris et province, on vient d'en parler, mais il y a aussi des décentrages internationaux. Là, la série amicalement vôtre, The Persuaders, a été un four total aux États-Unis, et même en Angleterre, pas terrible, ça a magnifiquement marché en France. Et Pierre Richard est absolument incompréhensible pour les Américains, mais par contre a remporté un succès extraordinaire dans la Russie soviétique. Voyez donc qu'il y a aussi des corrélations qui font que des formes de rire vont trouver, un petit peu comme la protéine spike d'un virus que je ne nommerai pas, des portes d'entrée dans certaines cultures plutôt que dans d'autres. Et donc qu'il y a un rire viral, pour reprendre cette viralité qui est beaucoup étudiée en ce moment par les littéraires à Nanterre. Vous avez parlé de Mathieu Letourneux, je parlerai de Julien Choux, qu'Alain Vaillant connaît bien également. Oui, hein, Alain Vaillant, professeur de littérature française à l'université Paris-Nanterre, Nanterre, foyer du rire. Dans ce mais dans cette histoire du rire, bien sûr, il n'est pas possible de se départir d'autres histoires. C'est une histoire, alors sans utiliser des mots qui font rire, mais une histoire globale. Il est nécessaire d'étudier la société du spectacle. Nous sommes dans un monde du divertissement, du loisir, et cela permet aussi de comprendre comment le rire s'ancre. L'histoire économique aussi, nous parlons d'un journal Le Rire fait vendre. Oui, ça c'est quelque chose d'absolument essentiel, et c'est peut-être le principal aujourd'hui. Les enjeux économiques sont absolument gigantesques. Et si vous prenez ne serait-ce que le cinéma, tous les premiers films au box-office en français sont des films comiques, alors que ce sont des films d'action d'ailleurs aux États-Unis, c'est ce qui dit beaucoup de choses. Et on voit dans la publicité, par exemple, la plupart des publicités repose sur l'humour, parce que pour faire vendre, et surtout pour qu'on sorte de l'argent de son portefeuille, si je puis dire, il faut être rassuré par le rire. Et donc je dirais que le rire est constitutif de nos sociétés libérales. Le rire est à nos sociétés libérales ce que la religion a été à la société féodale. C'est ce qui fait tenir la société. Donc au-delà de quelques manifestations, des films, des spectacles, il y a un rire qui est omniprésent, et on rit surtout dans l'espace privé d'ailleurs. Là, on parle évidemment de la culture du rire, mais la quasi-totalité des rires, statistiquement, c'est des rires avec les amis, en famille, en dehors de la vue du public. Et puis parfois, le rire exposé en public entre dans l'espace privé. Bah, c'est ce moment magique où le repas du dimanche, quelqu'un sort l'almanach Vermeaux. Je savourais le parfum d'un cigare en prenant un bock jeudi soir et je rêvais. Lorsque, sans crier gare, Z, auprès de moi, vint s'asseoir. « Ah, mon ami, ton bonheur est extrême !» me dit-il d'un air fort joyeux. « J'accours ici pour t'annoncer moi-même un événement très heureux. Ta belle-mère a quitté cette vie, vive à jamais l'apoplexie !» Je me levais, disant « Oh, se pourrait-il » Puis, dans un fiacre, je m'élance. Chez moi, j'arrive en bénissant ma chance. Hélas, c'est un poisson d'avril. Vive à jamais l'apoplexie, une blague de l'Almanach Vermeaux, édition 1886, qui nous est lue par Tatiana Werner. Il y a dans le rire, Laurent Bille, énormément de codes. Tout est code, qu'il s'agisse de rire de contestation ou qu'il s'agisse d'un rire simplement pour provoquer un sourire. Alors, vous parlez du rire en famille lors des repas du dimanche. Alors moi, je pourrais vous dire que c'est beaucoup plus un humour non partagé, parce qu'il y a souvent des pièces rapportées dans la famille qui provoquent des catastrophes et des engueulades le dimanche. J'ai des souvenirs de repas du dimanche dans des familles de personnes que j'ai pu fréquenter à un moment ou un autre de ma vie qui tournaient au cauchemar parce que mon humour n'était pas le leur, et inversement. Je dirais, trouver un dessin pas drôle. Par exemple, hein, puis si je reparle de la caricature, si je trouve un dessin pas drôle, ça regarde que moi. Et évidemment, ça devrait me poser le problème, non pas de pourquoi le dessin est mauvais, mais pourquoi je ne ris pas. C'est-à-dire qu'en fait, détester un dessin, c'est s'interroger sur soi-même, en théorie. C'est-à-dire qu'en théorie, le rire devrait rendre intelligent. Alors qu'il y a des rires, et Bergson a très bien étudié, hein, il y a des rires comportementaux collectifs qui fait qu'on rit avec les autres sans savoir pourquoi, ce qui est la définition de la bêtise. Alors, entre l'intelligence et la bêtise, en fait, le rire balaie exactement le spectre de la complexité humaine. Et le fait qu'un plantu ait fait pendant 40 ans des dessins qui m'ont fait rire et qui ne m'ont pas fait rire est véritablement le reflet du talent de Plantu. C'est pas parce que Plantu m'a fait rire pendant 40 ans qu'il est doué. C'est parce qu'il m'a fait rire et qu'il ne m'a pas fait rire en même temps. Et c'est ça, les caricaturistes doués, les humoristes doués, c'est des gens qui sont capables, encore une fois, de faire coexister une batterie d'humour. Et la question qui se pose dès lors, comme tout phénomène culturel, est-ce que l'humour, comme l'art, suppose une éducation? Absolument pas. Il y a un humour, un humour spontané. Et en même temps, si vous parlez de ridicule tout à l'heure, il y a un humour de connivence, un humour de code, et il y a aussi un humour qui demande un lieu, une heure, un environnement, et donc forcément une éducation. Et cela pose le problème, puisqu'on parle beaucoup des caricatures à l'école, c'est très compliqué, Mahomet ou pas, c'est très compliqué d'enseigner la caricature à l'école, puisque par définition, je vous rappelle que l'école est le lieu où l'on n'a pas le droit de rire. Et personne ne pose ce problème qui est pourtant fondamental, mais au début de la caricature à l'école, on devrait, les professeurs devraient commencer par des caricatures du professeur. Or, on fait des caricatures. On est aujourd'hui soumis à des tensions et des injonctions à montrer les caricatures les plus fortes et les plus dures. Et c'est tout à fait très bien, hein. Enfin, je veux dire, ça, en tout cas, ça se discute. C'est passionnant comme débat. Mais la première des caricatures qui parle à une classe au moment où on montre la caricature, c'est la caricature du prof, puisque on n'a pas le droit de rire en classe. On n'a pas le droit de rire en classe, on a le droit de rire sur France Culture dans le cours de l'histoire. Dites-nous, Alain Vaillant, en écho à ce que vient de dire Laurent Bill, ce qui est extrêmement pertinent sur cette éducation au rire. Mais il n'est pas possible d'éduquer au rire au sens où le rire est vecteur déjà de contestation, et dans l'institution, la contestation peut poser problème. Et puis, le rire déploie un éventail de complexité sociale, avec tort politique ou pas, et de code. C'est très difficile, en fait, d'éduquer au rire. Oui, ça ne me viendrait pas à l'idée, je l'avoue. Laurent Mille citait Bergson. J'ai moins d'admiration que lui pour Bergson. C'est lui qui a dit que le rire supposait en particulier une anesthésie momentanée du cœur. Or, le rire, j'y reviens, c'est d'abord une émotion. C'est quelque chose de très intime, de très profond. Et il y a une joie, un plaisir à partager le rire. Et j'ai tendance à penser que les émotions les plus intimes, ça ne s'apprend pas, mais il faut leur donner le droit de s'épanouir, en revanche. Moi, j'éprouve le droit de rire en lisant un poème de Baudelaire ou une page de Balzac, et j'ai mis du temps à faire accepter ça à mes collègues, quoique je sois spécialiste de ces auteurs. Donc c'est vrai ce que dit Laurent Bill, il y a une résistance de l'institution au rire. Et ça, c'est absolument frappant. C'est pourquoi le rire était anticlérical, parce qu'on ne rit pas à l'église. Et c'est pourquoi les élèves se moquent des professeurs, parce qu'on ne rit pas face à l'institution qu'est l'école, qui hérite en réalité du sérieux de l'institution ecclésiale. Donc il faut apprendre à libérer le rire en soi-même comme chez autrui, mais ne pas apprendre comment il faut rire, ni dire quand un rire est intelligent ou quand un rire est bête, parce que le rire est rire et le rire fait plaisir. Oui, et puis le rire est tellement subjectif. Et c'est vrai que tout le monde ne rigole pas en lisant Baudelaire, mais moi j'aime bien aussi cette idée-là, Alain Vaillant, de pouvoir rire et de trouver de l'humour un peu partout. Bergson a été cité deux fois, Henri Bergson, qui en 1900 publie Le Rire. Alors, vous Alain Vaillant, bon, vous vous méfiez, c'est vrai qu'il faut un peu de cœur pour rire, et chez Bergson, c'est pas rigolo comme lecture. Nous l'écoutons, Bergson, laissons-lui la parole. D'où viendrait en effet que cette relation logique particulière aussitôt aperçue nous contracte, nous dilate, nous secoue, alors que toutes les autres laissent notre corps indifférent? Ce n'est pas par ce côté que nous aborderons le problème. Pour comprendre le rire, il nous faut le remettre dans son environnement naturel, qui est la société. Et surtout, nous devons déterminer son utilité, qui est sociale. Telle sera l'idée directrice de toutes nos investigations. Le rire doit répondre à certaines exigences de la vie en commun. Il doit avoir une signification sociale. Tatiana Werner qui nous lisait un extrait du Rire de Bergson. Donc, ouvrage majeur, le Rire de Bergson, c'est un moment au début du XXe siècle où le rire devient un objet d'étude. Ce n'est pas pour les historiens à ce moment-là que le rire est un objet d'étude. Hein. Vous le dites bien, Alain Vaillant, dans cet ouvrage « L'Empire du rire » que vous publiez avec Mathieu Letourneux. Vous dirigez cet ouvrage parce qu'il y a énormément de contributions. Le rire a une histoire complexe sous le regard de l'historien. Alors pour ce qui est des discours sur le rire, la fin du 19e siècle est une explosion du rire dans l'espace social, et ça fascine les philosophes et les intellectuels. Alors il y a le livre de Bergson, il y a le livre de Freud sur le mot d'esprit, que je trouve infiniment plus profond que celui de Bergson. Le livre de Bergson pose porte essentiellement sur le comique, en fait, sur le rire de théâtre. Et dans les dernières pages, il dit oui, c'est vrai, j'ai manqué quelque chose. Il y a un rire, en fait, c'est l'humour, de la poésie, de l'émotion, etc. Mais le discours sur le rire correspond à son importance sociale, tout simplement. Et si on commence à faire des livres sur le rire, si le rire est furieusement tendance, comme je le dis en introduction, mais j'ai commencé à travailler sur le rire avant, c'est parce qu'on ne peut pas contourner l'importance du rire dans nos sociétés. La civilisation du rire, votre ouvrage, Alain Vaillant, avait été publié en 2016, donc vous continuez ce fou rire avec les éditions du CNRS toujours. Et Laurent Bille, vous avez évoqué la difficulté de parler du rire à l'école, et nous l'avons très très bien vu ces derniers temps avec les caricatures. Vous avez évoqué les manifestations qui ont perdu une certaine forme d'humour. Le rire est le reflet de la société, l'absence ou la présence du rire. Alors, je voudrais revenir d'abord, si vous me permettez, sur ce que vient de dire Alain Vaillant, parce que je pense que effectivement, il n'y a pas d'éducation au rire, mais comme il n'y a pas d'éducation en amour, si vous voulez. Mais en même temps, il y a un raffinement en amour et il y a une complexité dans laquelle on avance. Et c'est cette complexité de l'amour, cette complexité du rire qui fait que l'on ne rit pas quand on est jeune de la même façon que quand on est vieux, et ça vaut pour un certain nombre de sentiments humains. C'est pour ça qu'il n'y a pas une opposition frontale entre rire bête et rire intelligent, et qu'il n'y a pas d'éducation entre guillemets au rire, je voudrais pas avoir été mal compris tout à l'heure, mais tout cela est une complexité qui relève de la vie même, et on avance dans la vie quand on avance dans notre rapport à ceci, hein. Je pense que c'est fondamental de le dire. Alors maintenant, dans ce que nous avons perdu en termes de rire social, je pense que en fait il y a des allées et venues, il y a vraiment ça. Je dirais il y a des systoles, quoi. Il y a des moments, forcément, comme les sociétés changent, il y a des flux et des reflux. Et je pense que c'est particulièrement net. Et je pense que il en est de même pour un certain nombre de choses, mais que effectivement, par rapport à cette notion de rire social ou de rire sociétal plus exactement, je pense que le rire, en tout cas, et les différentes formes de rire, est un extraordinaire outil pour retrouver les sociétés du passé et pour interroger les sociétés du présent. Et passer par le rire est une extraordinaire façon de comprendre les foules, de comprendre les collectivités, de comprendre les individus et de comprendre le sens extrêmement complexe que l'on entretient avec le réel. Et c'est en ce sens que le rire n'est pas fondamentalement réservé aux philosophes ou aux historiens ou aux littéraires ou aux sociologues ou aux médecins. Le rire est interdisciplinaire du point de vue du travail de l'universitaire ou du savant, entre guillemets. Il y a aussi des gens très bien qui ne venaient pas de l'université, qui ont fait des choses formidables sur le rire. Je pense à Michel Ragon, par exemple, qui a fait une des premiers essais sur la caricature dans les années 60, qui est extraordinaire. Et je pense que le rire produit de l'intelligence, qu'il y a une intelligence du rire, et que cela permet de beaucoup mieux nous comprendre nous-mêmes. Oui. Nous comprendre nous-mêmes et comprendre les sociétés. Là aussi, hein, le rire peut être le reflet d'une société. Alain Vaillant, avec cette question qui me taraude, nous parlons du rire depuis le début de cette émission sans évoquer la censure. Donc il est possible de parler du rire sans évoquer la censure, au sens où le rire arrive sans cesse à s'adapter, même en période de censure. Oui, je pense que le plaisir du rire, c'est le plaisir de transgresser les limites. Parce que justement, il est, comme je le disais, un jeu avec le danger, avec l'agression. Et donc pour qu'il y ait transgression, il faut qu'il y ait limite. Et il y a toujours des limites, qu'elles soient morales, qu'elles soient imposées par la loi. Donc la censure joue avec le rire joue avec la censure, sauf évidemment lorsque la censure est trop violente. Et là, ce n'est plus drôle. Je rebondis sur quelque chose d'absolument essentiel qu'a dit Laurent Bille, qui est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est la proximité entre l'émotion amoureuse et l'émotion du rire. Alors je n'ai pas le temps de développer, mais j'invite les auditeurs à réfléchir à cette proximité. Elle est essentielle et elle n'est pas accidentelle. Juste une réflexion, je crois qu'il n'y a pas d'artiste qui suscite chez le public autant d'adhésion amoureuse, admirative que les grands comiques, hein, que ce soit Bourvil, Fernandel, Coluche, qui vous voulez. Mais s'il y a une telle émotion, un tel partage, c'est que cela joue sur l'affectivité la plus profonde et la plus intense. C'est peut-être aussi parce que c'est ce qui est le plus difficile à mettre en place dans des relations humaines, cette intimité. Alors elle peut être amoureuse, mais elle peut aussi passer par le rire, parce que c'est cette difficulté du rire, et Alain Vaillant, vous le dites bien, le rire est très complexe. Qu'est-ce que le rire? Il y a le rire ha ha ha, celui que nous entendons, mais le rire c'est aussi quelque chose d'extrêmement intime. On peut rire à l'intérieur. Oui, c'est ce que disait Freud, c'est la manifestation de l'inconscient qui est la plus socialisée. À l'origine, le rire est une particularité des animaux sociaux. Les grands singes rient. C'est le sentiment de connivence à l'intérieur du groupe. Alors, cette connivence peut arriver lorsqu'on se bouscule en jouant comme des animaux, mais c'est une connivence qui aussi peut s'enraciner dans la profondeur de l'individu. Donc, la particularité du rire, c'est cette circulation entre l'intimité de l'être et la surface sociale. Et d'où, effectivement, tout l'éventail des rires, selon qu'ils sont plus proche de l'intime ou plus proche, évidemment, de l'interaction sociale. Laurent Bille, vous publiez De quoi se moque-t-on, satire et liberté d'expression sous un ouvrage. Enfin, vous participez à cet ouvrage sous la direction de Cédric Passard et Denis Ramon. Justement, sur cette sphère sociale, trouvez-vous qu'en ce moment, elle est extrêmement lisse? Alors là, on va pas rentrer là-dedans parce que il nous reste trop peu d'émissions, malheureusement, pour en parler. Il en faudrait une autre. C'est d'ailleurs un ouvrage qui sort directement au CNRS édition en même temps que l'autre. Alors ça, ce sont les aléas de l'édition, mais c'est vrai qu'ils sont très complémentaires. La question que je posais dans ce collectif, c'était: est-ce que la caricature est un pamphlet? C'est une vaste question qui demanderait d'être énormément explicitée. Moi, je pense qu'elle est assimilable au pamphlet par rapport à sa violence, la caricature, et que la caricature ne cherche pas forcément à faire rire. Regardez par exemple Daumier, La rue Transnonain, d'où d'ailleurs ça posait la question: est-ce une caricature? Mais enfin, dès lors qu'elle paraît au 19e siècle dans un journal de caricature, elle est vue comme une caricature. Donc ce rapport à la violence, il est absolument essentiel, et en même temps, ça joue à l'inverse. C'est-à-dire que quand quelque chose est violent, on est fondé à y trouver du comique. Moi, je suis stupéfait. Je viens de sortir de la lecture d'une anthologie des critiques littéraires en 1932 du Voyage au bout de la nuit. Et donc, j'ai lu 150 critiques du Voyage au bout de la nuit. C'est sorti en 1918, en poche, un passionnant. Et dans presque la moitié des critiques du Voyage au bout de la nuit, il y a la présence de formules rablaisiennes, livres comiques, livres d'un comique formidable, etc. Or, si les critiques de 1932 y voyaient du comique, dans Le Voyage au bout de la nuit, moi, ça m'a pas frappé. En tout cas, c'est pas le mot que j'aurais mis en premier lieu dans la lecture du Voyage au bout de la nuit, vous voyez. Donc, c'est très complexe, ce rapport au réel, ce rapport à la violence, et je dirais qu'il faut vraiment dire à quel point le rire est un exutoire. Le rire est un exutoire, et c'est le rire, je pense, pour beaucoup de gens qui pensent que le rire, parce qu'il est complexe, et parce que justement, il détient des éléments qui peuvent poser problème, qui peuvent être méchants, qui peuvent attaquer, qui peuvent détruire, qui peuvent abîmer. Je pense qu'il faut quand même garder de cette émission l'idée que le rire est un exutoire et que c'est d'abord et avant tout une alternative à la violence. Bah merci beaucoup en tout cas Laurent Bille pour cette conclusion d'alternative à la violence, l'utilité du rire. Laurent Bille, De quoi se moque-t-on, satire et liberté d'expression, CNRS édition, et puis bien sûr L'Empire du rire, Alain Vaillant, Mathieu Letourneux, CNRS édition, qui décidément devient un café-concert. Non mais c'est passionnant à lire. Merci à tous les deux. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, l'association Mémorial en péril en Russie. Le 15 mars dernier, trois ONG ont porté plainte contre les membres de la société de sécurité privée Wagner pour l'assassinat d'un détenu syrien en 2017. Notre attention s'est portée sur l'horreur du crime davantage que sur les plaignants, parmi lesquels l'association Mémorial, qui portait cette dénonciation devant la justice. Mémorial est pourtant l'un des acteurs de la société civile qui contrarie avec insistance l'histoire officielle russe sur des dossiers qui fâchent, comme les exécutions sommaires pendant les guerres en Tchétchénie ou le système concentrationnaire du Goulag.